cherche sa vérité. Une femme d'aujourd'hui, une femme d'aujourd'hui. Détruisant nos modèles de tradition, tu te reposes sur leur nouvelle version. Une femme d'aujourd'hui, une femme d'aujourd'hui. Tradition.